طيب، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc je vous avertis, si jamais une fois de plus vous entendez du bruit, il y a du monde un peu autour de moi, des gens qui sont occupés, qui ne sont pas sur le ders en soi, donc peut-être que vous allez entendre des voix par-ci par-là, rien de dramatique, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Taille. Donc là, déjà je m'excuse pour le dernier ders, que je n'étais pas en mesure de donner. Et là nous allons rentrer dans de nouveaux ahadiths. Après qu'on ait pris le adab du ta'am, le comportement lors du manger, de dire bismillah avant de manger par la main droite, et de manger de ce qu'il y a devant nous, comme l'a enseigné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce fils de Salama. Et le adab du shorab, comment boire, le fait de dire alhamdulillah après chaque bouchée ou chaque gorgée ingurgitée. Al-An, ça n'atroule fi al-hadith, toujours dans l'adab islamiyya, le comportement islamique, bien sûr. C'est la cinquième force de ce kitab qui touche bientôt à sa fin. Il doit rester deux ders et après on passera au fasl al-ati, le qadim, inshallah. Donc là, c'est le hadith al-khamis wa al-tis'oun. Donc 95e hadith du kitab, qui est le 15e de ce fasl. Qal khisal al-fitra. Donc maintenant c'est les caractéristiques de la fitra. La fitra, c'est ce qu'on utilise comme étant la nature saine, la nature première. Hein, celle sur laquelle Allah Azzawajal a créé les hommes. La chose qui concordonne, qui corrobore avec notre essence première, la fitra, tant dans l'hygiène, tant dans les mœurs, et surtout avant cela, dans la croyance. Al-fitra, awalan, hiya, al-tawhid, c'est l'islam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu mouloud yalid al-fitra. Chaque nouveau-né naît sur la fitra, c'est-à-dire la nature première. Ce qui est inné en nous. Et parmi les choses qui sont innées en nous, les cinq choses qu'on va citer dans ce hadith, qu'à la base, qui revient aux hommes et ainsi qu'aux femmes d'avoir. Ça fait partie de la nature saine. An Abi Hurayra radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal afitratu khamsun. Ou khamsun min fitra. Al-khitan, wal-istihdad, wa taqlim al-zafir, wa naft al-ibt, wa qas al-sharib. Muttafaqun alayhi. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nature saine, la fitra, on va rester seulement en arabe, hein, fitra c'est mieux, est de cinq choses. Les cinq choses montrent la fitra de la personne dans son hygiène, bien sûr, on parle de l'hygiène en soi. Il dit al-khitan. Al-khitan, c'est la circoncision. L'istihdad. D'accord, l'istihdad, c'est le fait de se raser les poils pubiens, c'est-à-dire les poils qui sont sur les parties génitales. Taqlim al-asfar, qui est le fait de se couper les ongles. Wa naft al-ibt, qui est le fait de s'épiler les aisselles. Wa qas al-sharib, qui est le fait de se tailler la moustache. Donc certaines sont communes aux hommes et aux femmes, certaines sont obligatoires pour les hommes et d'autres mustahab pour les femmes. Qu'est-ce qui est obligatoire pour les hommes? Al-khitan. Khitan, qui est la circoncision. Se circoncire pour l'homme est une obligation. Vous voyez, et dans un hadith de Ibn Abbas, il a dit Kunna nakhtatan wa qad adrakna. C'est-à-dire à l'époque des Sahaba, ils faisaient le khitan et ils avaient déjà atteint ce qu'on appelle l'adolescence. C'est vers les 12 ans par là. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus faibles, nous sommes plus douillets, ce qui s'ensuit. Donc, il est conseillé de le faire dès la tendre enfance, comme cela l'enfant en ressent moins de douleur et grandit, et sans compter que cela amène à cicatriser plus vite. Tab'an, l'enfant, quand on lui fait au garçon, bien sûr, on le fait pas dès la naissance. Et aussi tambih muhim jiddan, il n'y a pas longtemps j'ai mis une fatwa de Cheikh Yahya sur la chaîne, souvent les gens mélangent la aqiqa avec le khitan. Ils pensent qu'il faut faire le khitan au bout du 7e jour. Ça non, ça n'a aucun rapport. Le khiten, c'est le khiten, et la aqiqa, c'est la aqiqa. Ce qui peut être lié à la aqiqa, c'est le fait de se raser la tête de l'enfant. Et quand on fait de donner l'équivalent de ce rasage en or, le hadith qui le stipule n'est pas authentique. Mais le khiten n'est pas lié à la aqiqa. D'accord ? Le khiten n'a pas vraiment de lieu, de moment défini pour le faire. Mais l'enfant, Ibn Qayyim, dit qu'il faut attendre au moins 2-3 mois pour que ne pas faire le khiten à l'enfant dès sa naissance. Au bout de 2-3 mois, il est déjà plus fort, plus à même de surmonter cela, et il va cicatriser plus vite. Et bien, dès l'enfance, il est très fragile. Mais certain que l'enfant, quand tu le fais le khiten petit, il va oublier, ça ne va pas vraiment le traumatiser, contrairement à un adulte. Ceux qui l'ont fait adulte, par exemple ceux qui ont été convertis, qui n'étaient pas martounines, qui n'étaient pas circoncis, qui l'ont fait adulte, ils savent c'est quoi. C'est assez embarrassant, c'est douloureux, mais bon, ça passe, alhamdoulilah. C'est pour Allah Azawajal, en premier lieu, c'est pour l'hygiène. Et ceux qui l'ont fait adolescent savent également. Et la plupart, et beaucoup l'ont fait en étant petit. Et ils s'en rappellent, parce qu'il y avait une cérémonie avec, derrière, une petite fête. Ils le faisaient aux 6 ans, 7 ans, ils ramenaient l'homme qui s'occupait de cela, et ils le coupaient, tout le monde était là, et après, bon, c'était la fête. Beaucoup de frères m'ont raconté cela lorsqu'ils se sont fait circoncire petit. Ça veut dire qu'ils s'en rappellent. Ils l'ont fait vers les 6, 7, par là. Et ceux qui l'ont fait, bébé. Ainsi de suite. Donc le khiten, pour les hommes, il est obligatoire. Par contre, pour les femmes, il est recommandé. Et le khiten pour les femmes, on le répète à chaque fois, ce n'est pas ce qu'on appelle l'excision. Le khiten pour la femme, ce n'est pas l'excision. L'excision, c'est une chose qui n'est pas liée à l'islam en soi. C'est quoi l'excision ? C'est le fait de couper le clitoris de la femme. L'islam n'appelle en rien à cela. Le khiten des femmes, ce qu'on appelle la circoncision des femmes, c'est le fait de couper légèrement les lèvres vaginales. C'est une légère coupure des lèvres externes vaginales, c'est tout. D'accord ? Ça, ça a été expliqué. Couper le clitoris en soi, ce qu'on appelle l'excision, n'est pas le khiten de l'islam. Car beaucoup de gens parlent mal de leur religion, de cette coutume, par rapport à ce fait. On dit que peut-être certaines tribus le font, certaines personnes le font. Ça, c'est chose qui est liée à leur coutume à eux. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas de la sunna. Pas du tout. Quand même, le khiten de la femme, c'est comme je viens de vous l'expliquer en soi. Et c'est recommandé à la femme de le faire. Et des ulama disent même que ça embellit la femme. De faire cela, ça par la suite, ça se retranscrit même à travers son visage. Ça met une lumière en elle. Mais bien sûr, faire cela est moins douloureux pour la fille que le khiten du garçon. Quoi qu'il en soit, le khiten fait partie de la fitra. En plus, c'est propre et ça empêche que des najasa ou autres se regroupent sous la peau qui entoure le gland chez l'homme. L'istirdad, on l'a expliqué, l'istirdad, c'est le fait de se raser les poils pubiens. Pour les hommes, comme pour la femme. Tout ce qui est autour du pénis et un peu autour de l'anus. Taqlim al-afar, le fait de se couper les ongles. On ne doit pas se laisser pousser les ongles. Et cela pour ne pas ressembler également aux animaux sauvages qui ont des serres, qui ont des griffes, ce qui s'ensuit. L'être humain a une dignité. L'être humain a une honorabilité. L'être humain a une éthique et se différencie des animaux de par beaucoup de choses. Et entre autres, l'hygiène et surtout une apparence. Nous avons créé l'homme dans la meilleure des formes. Et comme cela est vu dans un hadith, on ne peut laisser cela au-delà de 40 jours. Tout ce que je viens de citer là, le fait de se raser les poils pubiens, de se couper les ongles, et ce qui va suivre par la suite, de s'épiler les aisselles et autres, on ne peut laisser au-delà de 40 jours. Au-delà de 40 jours, on rentre dans l'ism. Dans le péché. Pendant 40 jours, c'est accepté. Le mieux, c'est de le faire de façon hebdomadaire, par exemple le Jumu'ah, c'est l'occasion, le jour où on se nettoie, le jour où on s'embellit, on se purifie encore plus, c'est une bonne occasion de le faire. Sans quoi, si la personne a oublié, ou des fois fait preuve de paresse, ou ce qui s'ensuit, il y a un délai de 40 jours. C'est large. Au-delà de 40 jours, ce n'est plus accepté. Et par la suite, il a dit « Neft el-ibt », qui est le fait de s'épiler les aisselles. Pourquoi l'épilation et non pas le rasage ? Car l'épilation, c'est une chose qui repousse justement, qui ralentit la poussée des poils, en fait. Quand tu épiles, ça enlève une bonne partie du poil qui fasse qu'il ne repousse pas très vite. Et pourquoi les aisselles ? Parce que c'est dans l'endroit où se dégagent beaucoup de mauvaises odeurs, par rapport à la sueur, ce qui s'ensuit. Il y a des poils à cet endroit-là, c'est un endroit de pli dans la peau humaine. Et c'est un endroit où on connaît, on transpire de là. et des odeurs fortes peuvent en dégager. Donc pour atténuer ces odeurs, ou diminuer à fouette ces odeurs, alors il est recommandé de s'épiler les aisselles. Maintenant, s'épiler, c'est douloureux. De là, on m'a dit qu'il est permis de se raser. L'essentiel, c'est de faire disparaître ces poils qui sont sous les aisselles. Quitte à se raser, si la personne ne supporte pas l'épilation, alhamdoulilah, elle peut se raser. Sans quoi, il explose de moyens modernes maintenant. Il y a des crèmes, il y a des lasers, il y a plusieurs choses qui amènent à pouvoir s'épiler. Wa qass al-sharib, le fait de se tailler la moustache, et ça bien sûr c'est propre à l'homme de base. Bon, il y a des femmes qui ont des moustaches, mais ça c'est des choses marginales. Elle-même, elle se rase la barbe, car c'est une chose qui n'est pas de la nature de la femme d'avoir une moustache. Et ce qui va avec cela, c'est le fait de se laisser pousser la barbe pour les hommes. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Urful Loha, Wa Khalif, de se laisser pousser la barbe et de se tailler les moustaches. La barbe, on laisse pousser. Et la vie authentique, c'est que la barbe, on ne la taille pas. On ne la touche pas. On la laisse comme elle est naturelle. La barbe, c'est tout ce qui est des poils qui viennent des joues jusque au niveau de... au-dessus du cou. C'est ça, la barbe. Ces poils-là, c'est une marque de virilité pour l'homme, une marque de beauté pour l'homme, une marque de noblesse pour l'homme, ainsi de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la mode. Hein. Les gens sont revenus à la barbe, mais nous, ce n'est pas une mode. Nous, c'est une ibad, c'est une adoration. Donc, ne pas se raser la barbe. Se raser la barbe dans l'absolu, ça c'est une chose sur laquelle il y a unanimité que cela est haram. Il y a un khilaf par rapport au fait de la tailler, et même cet avis-là, il n'est pas authentique, car le Nabi, il a dit « Urful loha, laissez pousser les barbes ». Donc on reste sur la parole. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ne touchait pas à sa barbe. Il ne touchait pas à sa barbe. Et les sahaba avaient des grandes barbes, ils ne touchaient pas à leur barbe. Ce qui a été rapporté de Ibn Omar, qui prenait de sa barbe au-delà de son poing, ça c'est un ijtihad de sa part. Et en plus, il ne le faisait que lors du hajj, pas à toute occasion. Donc l'homme se laisse pousser la barbe. Et cela fait partie de la nature saine également, de l'avoir une barbe pour l'homme. En plus, regardez bien, se raser, c'est une complication. Souvent, ça cause des problèmes de peau. Ça prend du temps, ça demande du matériel, ça demande de l'argent. Est-ce qu'il s'ensuit ? Se laisser pousser la barbe, est-ce qu'il y a de plus simple, en réalité ? Et si des gens disent, ouais, la barbe, ça me gratte, laisse-la pousser, elle va plus gratter, Inch'Allah, c'est au début. C'est parce que t'es quelqu'un qui est habitué à te raser. Mais si depuis le début, ta barbe, tu laissais pousser, elle ne te gratterait pas. C'est un temps. Et après, elle vient la barbe. Non, et surtout la barbe, quand on la laisse pousser, un repas pour les hommes, on la laisse pousser pour Allah et pour obéissance au prophète. Pas parce qu'on a vu un rappeur qui a une barbe, un footballeur qui a une barbe, ou un je ne sais qui a une barbe. D'accord ? Le but, c'est de ressembler au prophète, pas aux autres personnes. La barbe, on ne la fait pas, on la laisse pousser parce que c'est la mode. On la laisse pousser parce qu'on l'a dit, c'est une adoration. Et elle nous est obligatoire. Taïb. Donc là, on a vu ces choses-là qui sont de al-fitra, la nature saine. D'accord ? On les récapitule. La circoncision, se raser les poils pubiens, se couper les ongles, se piler les poils des aisselles, et laisser pousser la... tailler la moustache. Tailler la moustache. Et avec la moustache taillée, la barbe va. Dans d'autres hadiths, c'est venu. Yaqul fawaid al-hadith. Enseignement du hadith. Mashlu'iyati ta'ahud hadith khisal al-khams. Al-khitan, al-istirdad, qas al-sha'arib, otaklum al-affar, wa naft al-ibd, liyannaham al-fitra. Donc cela montre qu'il faut suivre ces indications du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car cela fait partie de la nature saine de l'homme. C'est-à-dire, même une personne qui ne serait pas musulmane de base devrait accepter ces choses-là, voir qu'elles sont bonnes, en fait. Voir que c'est sain. C'est hygiénique, c'est propre de faire cela, car c'est la nature saine de l'homme. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. Thaniyan, min fawaid khisal al-fitra, tahsin al-hay'a, wa tanzif al-badan, wa l'ihtiyat lit-tahara, wa mukhalafat sha'ar al-kuffar, wa l'ihsan ila al-jalis, bi kaf ma yata'adha bihi min raihati kariha, wa imtithal amr al-shari'a. Donc, qu'est-ce que l'on peut tirer comme bénéfice de cette fitra, cela nous embellit, cela parfait l'apparence humaine, cela est une propreté du corps, de l'hygiène, cela est plus pur pour le corps, cela également amène à contredire les emblèmes des koufars, parce que les koufars, de façon générale, ne le font pas. En tout cas, une bonne chose qu'ils ne font pas. Et des gens vont dire, mais les Yahoud, ils ont des barbes. Ils ont des barbes, certes, mais ils ne se taillent pas les moustaches. Donc nous, on laisse la barbe. D'accord. Et à la base, les Yahoud, c'était une chose qu'il y a chez eux, même chez les Nansar. Les Nansar se rasent aujourd'hui, mais à la base, ils étaient barbus, parce qu'ils étaient sur la fitra également. Même les Arabes, à l'époque du Nabi Sallallahu Alaihi étaient barbus. C'était une chose qui était virile. C'était normal chez les hommes de Sra. Aujourd'hui, sachez une chose, nous, en tant qu'hommes, il faut que tu arrives au stade où que même ta barbe, elle est autant d'importance pour toi en tant qu'homme que les cheveux de la femme. Demain, tu prends une femme, tu lui rases la tête, pour elle, c'est tu l'as mutilée. Et bien, nous, c'est pareil. Il faut que ta barbe, tu te dis, si de me rase la barbe, je serais comme tout nu, j'aurais honte. Il faut que tu arrives à ce stade-là, que ta barbe, elle est de toi, elle fait partie de ta fitra, de ta nature saine. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et ne pas chercher à plaire aux gens ou déplaire à des gens. Dire oui, les gens me regardent ou je veux plaire aux femmes. Tu vas, en taillant la barbe, tu ne vas pas plaire à des femmes qui sont moustaqimat. La vraie moustaqimat, ton din, elle va te dire, si tu n'es pas barbu, tu ne m'intéresses pas, c'est-à-dire que tu ne crains pas Allah Azzawajal. Et si tu ne crains pas Allah Azzawajal dans une barbe, tu ne vas pas craindre Allah Azzawajal dans d'autres choses qui pourront me nuire par la suite. Ça va ensemble. Donc, chercher à plaire à des gens en faisant des transgressions, tu ne vas pas plaire aux gens qui craignent Allah. Sache-le. Donc, ce ne sera pas ton avantage au final. Ensuite, on a dit, cela, également, c'est une prise en considération des gens que l'on fréquente pour éviter de les atteindre de mauvaises odeurs et autres. Également, c'est un ordre. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas tout ça, à partir du moment où la législation nous a dit de le faire, on le fait. D'accord ? On n'est pas obligé de savoir tout le temps pourquoi on doit faire cela, c'est quoi l'avantage qu'il y a derrière. On le sait, on ne sait pas, on ne le sait pas. Si on sait qu'il y a un ordre, qu'il est authentique, on doit le faire quoi qu'il en soit. Sami'na wa ta'ala, nous avons entendu et nous avons obéi. Salisan, an al-afdal al-qas fi sharib wa al-naft fi al-ibd wa al-harq fi al-ana fa inna shaq al-naft azal bi ay muzil. Là, j'ai pas voulu voir ce que j'ai pas compris ce qu'il y a à vous dire par là. Mais bon, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que là, j'ai pas vu la faïda de. Ça m'apparaît pas là. Rabi'an, anna ad-din al-islami ja'a bin-nazafa wal-jamal wal-kamal. Et que la religion islamique est venue avec la propreté, avec la beauté et avec la perfection. Tu verrais des gens dire, nous critiquer sur les choses qu'on a en islam. D'accord ? On va dire, si l'islam est venu avec, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Et ainsi de suite. Ça vient d'Allah, Azzawajal, donc c'est ça la perfection pour l'être humain. N'en déplaise à nombre de personnes qui veulent aller dans un autre sens. Khamisan, annama yaf'aluhu al-an al-shabban wa shabbat min tatwil al-athfar, ma yaf'aluhu al-dhukur min i'fa al-shawarib wa harq al-luha min al-umur al-mamnu'a shar'an. Le mustaqbaha aklan wa zaukan. Et maintenant, ce que font les jeunes, il dit, les jeunes parmi les hommes et les filles, de cesser de pousser les ongles. C'est une mode. Aujourd'hui, vous avez des femmes, elles ont des ongles, déjà c'est des faux ongles. Pour vous, ce n'est même pas seulement d'avoir des ongles longs, c'est carrément des faux ongles. C'est-à-dire, c'est même pas à toi, c'est du mensonge. Avec un tas de couleurs, un tas de motifs dessus, je ne sais pas comment font leur vie ces femmes-là dans la maison avec des ongles aussi longs. C'est un problème. C'est handicapant même. Je sais pas, tu peux rien faire avec des doigts comme ça. Et il y a des hommes également, aujourd'hui, ce qu'ils appellent les hommes princesses, qui s'y mettent également manucure, ils sont taillés les ongles, ce qui s'en suit, c'est ridicule. T'es plus un homme pendant cela. Et il dit également ce que les hommes font, beaucoup y font également, ils cessent de pousser la moustache et se rasent la barbe. C'est tout le contraire de la fitra. La fitra, c'est tailler la moustache, voire même de la raser, c'est dans une version, et laisser la barbe. Eux, c'est moustache et joue nu, joue imberbe. C'est l'opposé de la fitra, ça. Ça, c'est des choses qui sont interdites, religieusement parlant, que même la raison, à la base, n'aurait pas accepté, et c'est de très mauvais goût. C'est de très mauvais goût. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit que le fait de se raser la barbe pour un homme, tu rentres dedans dans les kaba'ir. Pourquoi ? Car tu rentres dans la ressemblance à la femme. Et l'a dit le Nabi sallam, la'anallahu mutashabbihin min rijal bin nisa. Que Allah a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Et le fait d'être imberbe, de façon, à part si t'es imberbe de nature, bon ça c'est autre chose. Tout comme on va trouver peut-être des femmes qui ont des barbes, ça c'est autre chose. Mais L'homme, il a une barbe, qu'elle soit fournie ou pas, qu'elle soit petite, légère, ça dépend de la capillosité de la personne, mais il a une barbe. Toi, en te rasant la barbe, tu sors de ta nature d'homme et tu vas ressembler à une femme. Et deuxième chose, c'est une ressemblance au mushrikine. Donc également, ça c'est une chose qui est interdite. Quand on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha bikoumin fawa minhum, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc il dit que c'est parmi les grands péchés pour l'homme de se raser la barbe. Hadha wal qawl as-sahih. Tayeb. Thumma al-hadith qui suit as-sadis wa tas'in wa as-sadis ashar, qui est le 96e hadith du kitab et le 16e de ce fasl. Yaqul min adab qadha al-haja. Donc maintenant, c'est dans l'accomplissement des besoins. Comment on fait les besoins? Yaqul an Salman qila lahu قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة الغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين ونستنجي بأقل من ثلاث أحجار ونستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. Donc selon Salman, le pharisi, il lui a été dit, mais votre prophète vous a tout enseigné, même comment aller aux toilettes. Il a dit, en effet, il nous a interdit de faire face à la Qibla lorsqu'on fait nos besoins, d'accord, et de nous essuyer, c'est-à-dire de nous nettoyer ces parties-là avec la main droite, et de se nettoyer avec moelle de trois pierres, ou de se nettoyer avec des crottins d'animaux séchés, ou alors avec des ossements. Donc là, on a appris plusieurs comportements dans l'accomplissement des besoins. Sachez une chose, ce qui est recommandé dans les besoins, c'est d'être assis, même pour l'homme. Mais il est permis de faire d'uriner debout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Mais le mieux, c'est d'être assis. Ensuite, à la base, bon, maintenant, quand vous êtes dans certains pays qui ne sont pas des pays d'islam, les toilettes, lorsqu'on fait les besoins, aujourd'hui, la base, afouane, je reviens sur le point de départ. À la base, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient leurs besoins dehors. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons comme maintenant. Quand ils allaient aux toilettes, ils sortaient du foyer. D'accord ? Et donc, ces toilettes-là étaient faites en extérieur ou lorsqu'ils étaient en voyage. Et là, à ce moment-là, il n'est pas permis de faire face à la Qibla. C'est-à-dire, même quand on va aux toilettes, on fait attention à ce qu'on fait. Déjà, on va loin des gens pour éviter les bruits et les odeurs désagréables. Ce qui s'ensuit, on fait attention lorsqu'on a besoin de que cela ne revienne pas sur nous, de ne pas être entaché, de ne pas être souillé de najasa. Dans un hadith, auparavant, dans le début du livre, on avait dit qu'on n'urine pas dans un terrier, également. Et sur un sol, il faut uriner sur un sol qui est mou pour éviter les éclaboussures. Et l'homme, quand il urine, par exemple, lorsqu'il tient son pénis, il le tient par la main gauche, s'il amenait à le tenir. Sans quoi, la main droite, c'est pour tout ce qui est pur. Sans quoi, il le tient, s'il faut qu'il le tienne, c'est par la main gauche. Par la main gauche. Il y a le dua à dire avant de rentrer aux toilettes. Allahumma a'ouzbeke min al-khubuth wal-khaba'ith. Lorsqu'on dit, oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre les shayatin mâles et femelles. Et aux toilettes, on ne parle pas avec des gens. Et attention, encore moins, alors là, c'est vraiment une ada seyya, rentrer dans les toilettes avec ton téléphone portable. Franchement, évite cela. Ça, c'est les koufars qui faisaient ça avant, ils rentraient dans les toilettes avec leur magazine et voilà, ils s'installaient, c'était un moment de repos. Eh, les toilettes, c'est pour faire des besoins, sortir des impuretés, c'est tu rentres, tu fais ton besoin, tu sors. C'est pas un lieu de discussion, c'est pas un lieu de repos. D'accord ? C'est un lieu à la base dans lequel il y a des. On dit quoi avant d'entrer aux toilettes ? On demande refuge auprès d'Allah contre les. Chez Artinma, les femelles, toi tu restes là-dedans, tu t'éternises pour parler avec des gens au téléphone, pour rigoler, pour snapper ou je ne sais quoi. Eh, franchement, on est plus haut que ça. T'as besoin de ton téléphone, tu sors. Les toilettes, c'est les toilettes. Donc on fait preuve de tenue. De tenue et de comportement décent, évidemment. Ensuite, lorsqu'on se nettoie, on se nettoie avec la main gauche. D'accord ? Là, dans le hadith, il dit. Ah oui, j'ai oublié de préciser, par rapport à le faire face à la Qibla ou quoi, ça c'est lorsqu'on est à l'extérieur. Lorsqu'on est à l'intérieur, il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait ses besoins, c'est Ibn Omar qui citait le hadith, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donné dos, si je ne me trompe pas, à Bayt el-Maqdis, ce qui a mené à faire face à la Qibla. Et de là, le ulama, pour joindre entre les deux hadiths, ils ont dit qu'en fait, lorsque tu es dans des toilettes qui sont construites dans une bâtisse, donc comme à la maison ou autre, le hukm n'est plus établi. Mais quand tu es dehors, à l'air libre, tu fais attention, quand tu fais tes besoins, de ne pas faire face à la Qibla. L'istinja, on le fait avec l'istinja, c'est le fait de se nettoyer, d'accord, les parties qui ont été devant et derrière. Là-bas, c'est avec de l'eau. Avec de l'eau avec la main gauche. Alors, des gens, ça les écœure. On dit, qu'est-ce qu'il y a d'écœurant ? De se nettoyer même derrière avec la main gauche avec de l'eau. L'eau est nettement plus propre et efficace que le papier toilette. Le papier toilette, ça étale. Ça n'enlève pas tout. Parce que les gens ils disent que nous, les moussims, on est sales, on se lave avec la main gauche. On dit on est plus propre que vous à je ne sais à combien de degrés. Vous, avec votre papier toilette, vous étalez. Il y a toujours des traces. Et vous le savez, quand vous vous déshabillez, vous voyez les traces encore présentes. Voilà, à Hauteville, là. L'eau, ça enlève tout. D'accord ? Et après, on se lave les mains. Il est où le problème ? On se lave les mains correctement avec du savon. Et alhamdoulilah. Eux, ils rentrent aux toilettes, ils urinent, ils remettent leurs caleçons ou leurs sous-vêtements, ils s'en vont. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Ça va couler encore. Nous, on se nettoie. Et également, avoir des vêtements propres et purs, ils sont parmi les conditions de la salate. Il faut que tes vêtements soient purs et propres quand tu fais la salate. Sans quoi, ta salate, elle peut être annulée du fait qu'il restait déjà ça. Et en plus, c'est aussi parmi les causes de Azab al-Qabr, du châtiment de la tombe. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de tombes de deux hommes qui se faisaient châtier. Il a dit qu'ils se faisaient châtier pour quelle raison ? À cause de la namima qu'il faisait, la calomnie, et qu'il ne se nettoyait pas d'eux après avoir uriné. Donc c'est parmi les causes du châtiment de la tombe. Wallahi. Donc il n'y a aucune honte. Ne soyez pas écœurés, ça c'est des choses qu'on vous a inculquées chez les koufars, c'est écœurant de se toucher à cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Est-ce qu'on sera meilleur que lui ? Est-ce que vous allez dire que ce qu'il a fait c'était écœurant ? Faut faire attention à ce qu'on peut penser par rapport à ce qu'on nous a inculqué depuis petit. Maintenant, si tu veux prendre du papier, tu as le droit de prendre du papier. C'est permis. D'ailleurs, le hadith dit trois pierres. Celui qui est dehors et qui n'a rien, il prend trois pierres pour se nettoyer. Une pierre pour enlever une grande partie, une deuxième, une troisième. Et s'il a besoin de plus, il faut faire avec un nombre impair à chaque fois. Donc 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. Mais moi, de trois pierres, ce n'est pas permis. Même si tu as tout enlevé, rajoute deux pierres. Bon, aujourd'hui, je pense que très peu de gens le font, à part dans les pays où il y a encore le désert, où les gens, voilà, mais sinon dans les pays développés, dans les pays urbains, les gens ne le font pas. Mais si tu veux amener à le faire, tu sais comment faire. Et ce jugement-là, le ulama, il l'applique également pour le fait de se nettoyer avec du papier toilette. Ça pour le jugement de la pierre. Donc tu vas le faire trois fois. Tu vas le faire trois fois. Mais sache une chose, le papier étale. Le papier ne nettoie pas à fond. Donc rien ne t'empêche que tu fasses les deux. Papier et eau. Par exemple, au début, ça t'écœure, tu mets du papier, après, tu mets de l'eau pour enlever le reste, par exemple. C'est une chose qui n'est pas imposée en soi, mais c'est meilleur, il n'y a rien d'écœurant. Les gens qui le font, il n'y a pas à les blâmer. La sunna, ça en fait partie de se laver avec la main gauche, directement avec de l'eau. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il existe ces petites douchettes dans les toilettes. Tu prends des petites douchettes, t'installes chez toi, et tu mets à une certaine puissance qui fasse que tu n'as même pas besoin de ta main, le jet... Avec la pression, enlève tout. Un jet à haute pression, ça enlève tout. Alhamdoulilah, tu règles la puissance, ça enlève tout. T'as fait l'eau et tu n'as pas touché si jamais ça t'écœure, par exemple. Et également, il a dit, un astangia, donc l'interdiction de se nettoyer avec des crottins ou des ossements. Là, c'est également pour ceux qui font leur besoin dehors. Parce que des fois, ils utilisaient ça semblait comme des cailloux, mais en fait, ce sont des crottins d'animaux séchés. Donc ça, on ne s'en sert pas pour s'essuyer. Et les ossements d'animaux également. Car les ossements d'animaux, c'est la nourriture des djinns. Donc on ne s'en sert pas pour se purifier et la souiller de Najasa. Donc vous voyez bien que notre religion nous a tout appris, même comment nous essuyer lors de nos besoins. Et c'est des choses importantes à prendre en compte. Et il n'y a aucun tabou là-dedans. D'accord ? Et ne faites pas attention aux gens qui s'amèneraient à vous critiquer pour cela, dites qu'on est sale. Les musulmans sont plus propres que les koufars. Sachez-le. Les musulmans, la religion de l'islam, c'est la propreté en soi. Taïeb. Donc maintenant, on va prendre les fawaïd de ce hadith. بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج إليه الإنسان. Ce qui prouve que la religion englobe tout ce dont l'être humain a besoin dans tous les domaines. ثانيا النهي عن استقبال القبلة واستبدالها حل الغائط أو البول تشريفا للكعبة وتعظيما لها. Qu'il interdit de faire face à la Qibla ou de lui tourner le dos lors des besoins. D'accord ? Et cela par respect pour la Kaaba et pour la glorifier. En fait, tout à l'heure dans le hadith, je me rappelle, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait dos à la Kaaba et non pas à Bayt al-Maqdis. J'ai confondu. Donc, lorsqu'on fait les besoins à l'extérieur, ni on ne fait face à la Qibla, ni on ne lui tourne le dos. C'est-à-dire, en fait, on est sur les côtés par rapport à la Qibla. Donc, ça veut dire qu'il faut être très minutieux. Tu fais tes besoins dehors. Rappelle-toi pour savoir aller où la Qibla, pour savoir où te diriger pour faire tes besoins. C'est important. Thalifan, annahu la karahat fi istiqbal al-shams aw al-qamar al-bawl al-ghawit. Qu'il n'y a aucun mal à faire face au soleil ou à la lune lorsque l'on fait ses besoins. Parce qu'il y a des gens, ils ont une superstition, une croyance de dire qu'on ne fait pas face au soleil ou à la lune lors des besoins. En islam, cela n'a aucune origine. Rabi'an, النهي عن استنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى تكريما لها وإنما تكون بالاستنجاء باليد اليسرى. Qu'il est interdit de se nettoyer après les besoins avec la main droite. Cela, on ne le fait qu'avec la main gauche. D'accord ? Ce qui prouve bien qu'on peut le faire avec la main directement. خامسا جواز الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها في التطهر. Et qu'il est permis de se nettoyer avec les pierres et de se contenter que des pierres. C'est-à-dire que l'eau n'est pas obligatoire en soi. Mais fortement recommandé et plus efficace. Mais celui qui, par exemple, tu n'aurais pas d'eau un jour, il est en voyage ou il a de l'eau que pour boire ou quoi, il fait avec des pierres, c'est maqbul shar'an, c'est suffisant. Ou même du papier. Mais ce n'est pas le meilleur, comme on vous le dit. Sadisan, la yajouzu al-iktisar al-istinja al-aqal min salasti ahjar, hatta walaw tahra al-mahal. Tahra al-mahal. Qui n'est pas permis d'utiliser moins de 3 pierres lorsqu'on utilise des pierres pour se nettoyer, même si tu vois que tu as tout enlevé. Avec une pierre ou deux pierres, rajoute une troisième. Rajoute une troisième quand même. Sabi'an annahi an al-istinja bi raji' wa warawth li'annahu kana tahiran fa huwa 'alaf baha'im al-jinn wa in kana najasan fa la yajuz at-tahur bihi. Qui n'est pas permis de se nettoyer avec les crottins. D'accord ? Car si jamais ce crottin est pur, c'est la nourriture des montures des djinns. Les djinns ont des montures. Elles se nourrissent de ces crottins, s'ils sont purs. Et à la base, les excréments d'animaux sont tous purs. À la cause sahih. D'accord ? La vie authentique, c'est que ce. Déjà, il y a unanimité que tout ce dont on mange, tout ce qui est comestible, ça, ces excréments sont purs, que ce soit urine ou que ce soit excréments. Tout ce qui est comestible en islam, les bœufs, les ovins, les bovins, les, tous ces animaux-là, leurs excréments et leur urine sont purs. Et dans son, d'autres parties, plus loin pour dire tous les animaux. Il n'y a que les excréments des êtres humains qui ne le sont pas. Car en réalité, on n'a pas de dalil qui disent que leurs excréments et leur urine soient impurs. Il n'y a pas de dalil clair qui le dit. Donc reste sur la base, que la base des choses, c'est la pureté. Ces divergences dans le fiqh qui existent. Voilà. Taïeb. ثامنا النهي عن استنجاء بالعظام لأنها طعام الجن. Qui n'est pas permis de se nettoyer avec des ossements. Des ossements d'animaux, bien sûr, car c'est de ça dont se nourrissent les djinns. تاسعا تحريم الاستنجاء بالأمور المحترمة كالكتب العلم وطعام الإنس. Et qu'il est interdit de se nettoyer avec les choses qui sont respectables, qui sont respectées. Comme par exemple, tu utilises des feuilles d'un livre de ilm. D'accord ? Ou alors, avec des choses dont on se nourrit, l'être humain se nourrit. On n'utilise pas cela pour se nettoyer lors de nos besoins. Taïeb. Donc c'est ça qu'on a pris aujourd'hui. Sanaktafi bihadin hadithain. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.